En Corée, les écoles dans les régions sinistrées de la province du Hamgyong du Nord ont rouvert la porte. Les cérémonies de la rentrée scolaire ont eu lieu le 1er décembre. Y ont participé le vice-premier ministre Lee Soo-hong et des cadres intéressés de la capitale et de la province, des enseignants, des élèves et leurs parents, ainsi que des constructeurs. Après les services, les participants ont assisté aux premières classes.